tiens bien. Chérie, bino nyo so carré. Côté gauche, bino boza carré. Côté droit, bino volé qui carré. Une question d'élégance et de charisme. Carré, tout ce qu'on veut c'est du carré. Tout ce qu'on cherche c'est du carré. Carré, impossible n'est pas africain. Un jour on touchera le sommet. Ils nous ont tellement dénigrés, rabaissés qu'on va représenter, je te le promets. On a du chemin, faut être honnête. Le courage des ancêtres, voilà la recette. Tu peux avoir du style, de l'argent, mais si le cœur n'est pas bon, pour toi c'est gâté. Carré ou pas? Carré.